Section 83 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 19, 3e partie. L'Empire fondé par Timour. Par Léon Caoun. Portrait de Timour. Timour avait alors 37 ans. Voici les portraits qu'on nous fait de lui. Il était, dit son détracteur Ibn Arachna, de taille moyenne, élancé, le front haut, la tête grosse, le teint blanc et le visage coloré. Larges épaules, droits ronds, cuisses longuettes et fortement membrées. Il aimait brave gendarme, vaillant homme lui-même, sachant se faire honorer et obéir. Paul Jove, bien informé, le loue expressément de sa chevalerie. Si fort et raide, il tirait un grand arc de Tartarie, amenant la corde à l'oreille, ce que peu de gens peuvent faire. Conquête dans le nord, défaite des Tchétés, ruine des anciennes chrétientés. Le premier usage que fit Timour de sa puissance fut de dégager la Transoxiane, de refouler au loin les princes et les familles qui pouvaient faire valoir leurs droits d'héritier des Mongols ou se poser en champion du Yassak. Pour la première fois, sous la bannière de ce Turc, on vit les gens du Sud franchir le Yaxart, barrière infranchissable aux Achéménides, aux Macédoniens et aux Sassanides. Ce que Cyrus, Alexandre et Chosroès n'avaient osé tenter, le fils d'un hidalgo de Transoxiane l'entreprit et le réalisa. Lui, descendant d'Isfandiar de Touane, il prit la revanche de Rustem l'Iranien, détourna pour toujours le torrent qui depuis tant de siècles se précipitait du nord et de l'est, de la lande et de la montagne, sur les vallées du sud et les plaines de l'ouest. 5 fois en 6 ans, 1370-1376, les Transoxianais s'avancèrent en Turkestan et dans la marche de Pantapol jusqu'au Karatal et à l'Irtiche, foulant la poussière des héros. De tout son orgueil féodal dut s'enfler le cœur d'Oljaïs Khatoun, la compagne d'aventure, la femme toujours chérie, quand l'ancien capitaine d'écorcheur, devenu roi, conduisit dans son harem une princesse Jagatai, la fille du sultan Kamred Eddin, la belle Dilshar Aga, la première princesse du Nord qu'un sultan du Sud conquit par les armes. À coup sûr, elle ne fut pas jalouse. Dans la lutte contre les Tchétchés disparurent, en Al-Malik, les dernières chrétientés turques. Désormais, l'ancienne nation des Keraïtes, celle du prêtre Jean, ne sera plus qu'un clan obscur, perdu parmi les Kirghizes, musulmans comme les autres. De même celle des Naïmans. Mais ces clans, jusqu'à nos jours, ont conservé leur tamga. Or, pendant que Timour supprimait les Mongols au nom de l'apôtre Mohammed, les Chinois les chassaient au nom de Confucius. La révolution, qui en 1370 emporta la dynastie mongole de Chine pour la remplacer par les Ming, balaya tout ce qui rappelait le souvenir des Turcs détestés et le christianisme nestorien avec le reste. Entre la Transoxiane musulmane et la vieille Chine renaissante, le Turc de Pantapol et d'Hexapol est étouffé. Il n'a plus d'espace pour vivre, périt faute d'air, ou bien il est refoulé dans les steppes du Nord, réduit à se faire kazakh, à se disperser sur la lande, séparé du reste de l'univers, réduit aux horizons bornés d'un berger qui promène son troupeau entre le Ishlak, station d'hiver, et le Kailak, station d'été. En même temps qu'il ruinait les Turcs dans les marches du nord-est, Timour s'acharnait sur ceux des marches du nord et du sud-ouest, réduisait les Turkmènes à se faire brigands, faute d'espace, pour mener la simple vie pastorale. Jusqu'en 1376-77, il mena les deux entreprises de front, courant du Sir Daria à l'Amou Daria, des frontières de Chine aux frontières de Russie et du Caucase. sur le Bahamou contre le Kharezme, qui tenait au Tchipat et aux steppes du Nord, au grand refuge de ceux qui se faisaient Kazakhs, il s'acharda. Ce Nord turc l'inquiétait, le mettait hors de lui, à tel point que dans sa campagne de 1372 contre le Khanat de Kiva actuel, lorsque le grand vassal Hussein Soufi de Kungrad lui envoya un cartel, lui, Timur Sultan, souverain de Transoxiane et de Bactriane, législateur, représentant des Djagataïdes, héritier substitué de l'empereur inflexible en pays musulman, lui, prince de l'Église et lieutenant de Dieu, lui, le Stropia vieilli, courut au duel, tout seul avec son trompette et son écuyer. Le spadassin eut peur du roi et ne vint pas au rendez-vous. Timur fut dressé procès-verbal de carence. Conquête du Khorassan. Tant que la vie nationale dura dans l'Iran, le Khorassan, protégé par ses marches de Transoxiane et par le double fossé d'Oxus et de Yaksart, n'eut rien à craindre des gens du Nord. C'était par l'Hyrcanie, par le bas Oxus, qu'autrefois leur bande guerrière, appelée et favorisée par les Parthes, s'y coulait en suivant le bord du fleuve. Lorsque, plus tard, l'infiltration turque se fit torrentielle, lorsque les marches de Transoxiane devinrent turques, le Khorassan lui-même ne fut qu'une marche, couvrant, tant bien que mal, les purs pays iraniens, le Fars, Perse propre, Farsistan, le Khuzistan, etc. Maintenant que la capitale d'Asie centrale s'était avancée d'Amalik à Samarcande, maintenant qu'à Bokhara les savants parlaient Djagataï et que les beaux esprits de Transoxiane rimaient dans le langage barbare du Pélou, le nouveau sultan de Samarcande ne pouvait s'arrêter à la rive droite de l'Oxus, laisser sur la rive gauche cette marche splendide, le Khorassan, à la merci des hérétiques d'Iran. D'ailleurs, il y était possessionné par droit de conquête dans ses domaines de Balkh et du Seistan. Au nord, il tenait déjà les deux rives du bas Oxus. Le Khorassan était presque une enclave. Et puis, la proie était trop riche pour qu'on ne la saisît pas au profit de la fière Transoxiane. Les grandes cultures de céréales, entretenues par un merveilleux système d'irrigation, les manufactures de bonnes armes et de superbes tapis, les nobles villes, Méchède la Sainte, Nishapur l'Antique, Merve, reine du monde, Herat la Brillante, tant de places, de gouvernements, d'emplois à distribuer entre l'éternellement besogneuse noblesse turque, tant de revenus pour le trésor, tant de bénéfices pour l'Église. Timur voulait bien défendre le sud contre les barbares du nord, mais à condition qu'il fût à lui, tout à lui. D'ailleurs, l'Église avait parlé Gaïs ed-Din, seigneur de Khorassan, leva une armée et resta sur la défensive. Je fus averti par une note de mon directeur de conscience que Gaïs ed-Din s'abandonnait à la tyrannie et se livrait à toutes sortes d'excès. Redresseur de tort, défenseur de la religion, Timur ne pouvait pas hésiter en face de ce maraud. Les orthodoxes du Khorassan l'entendaient comme lui. Vite, ils se rangèrent à la décision de l'Église contre le tyran pour le bon prince. Je fis la plus grande diligence pour arriver à Herat, où je surpris Gaïas ed-Din, enseveli dans le sommeil de la négligence. Abandonné de tous, il sortit de la ville, me rendit à merci trésor, domaine et royaume. Le Khorassan fut soumis, et ses émirs se rangèrent sous mon obéissance. Moharem 783, avril 1381. Lutte contre le Kipchak, la Russie affranchie par contre-coup. Par sa conquête du Kharezm et du bas Amourdaria, qui, à cette époque, se jetait dans la mer Caspienne, et d'autre part, à la suite de ses expéditions en Turkestan, Timur se trouvait en double contact avec le Kipchak. Bien que les princes de la maison de Djoudi eussent les premiers confessé l'islam dans leur domaine, l'influence de l'Église était, pour ainsi dire, autant que nulle. Non pas qu'il fût ce bien strict observateur du Yassak, la bigarrure de peuple auquel il commandait, Kipchak, Mongol naturel, Turc Kanlis, tribu rompu Kaskak Kirghiz, Bulgare du Volga, Bashkirs, Mordes, Tchérébis, Tchouvache, Metchérak, Alain, Russe, Colongénois et tant d'autres, les obligeaient à maintenir à chacun son statut personnel. Eux-mêmes gardaient le leur, le vieux droit coutumier turc, transmis par tradition. Pourvu que l'on payât les taxes et les douanes, ils se tenaient pour satisfaits. Les grandes querelles, hors les expéditions qui avaient un but fiscal contre les vassaux russes ou lituaniens, se passaient en famille. La lignée de Djoudji régnait à Sarai sur Volga, mais il avait bien fallu apanager les collatéraux. Ceux de Cheyban, cinquième fils de Djoudji, en Transvolga, dans les steppes du Nord et au Kouban. Ceux de Togai Timur, en Crimée. En 1360, Berdibek, de la branche aînée, était mort à Sarai, sans héritier mâle. Une branche collatérale, représentée par Urus, se saisit du pouvoir à Sarai. Toktamish, khan de Crimée, issu de la branche de Togai Timur, le lui disputa. Il n'était plus question maintenant pour les Turcs de chercher fortune au sud. En Chine, les Ming, issus d'une réaction nationale chinoise, rejetaient avec horreur ces étrangers qui, depuis 10 siècles, avaient affecté le génie indigène. La Chine était aux Chinois. Dans les marches de Perse, la Transoxiane était aux Transoxianais. En Roum, les Osmandis étaient pourvus. Faute de foin au râtelier, dans ce maigre pays de Kipchak, les chevaux se battaient. En 1375, Toklamish, vaincu, vint se réfugier auprès du riche et puissant sultan de Transoxiane, et lui, le descendant de l'empereur inflexible, sollicitait ce Timur, ce parvenu, fils d'un petit gentilhomme Barlas. Il avait une excuse à son humiliation. Quoique sacré par l'Église, Timur, au temporel, se déclarait le commis et le lieutenant des légitimes souverains Djagataïdes. C'était leur représentant que le Djoudji de Tokatmish venait solliciter. Le sceau de l'État portait le nom de Mahmoud Adil Sultan Khan. Les jours de fête et au banquet, l'émir Timur se tenait agenouillé devant lui, ainsi qu'en présence de ses ambassadeurs. Ce ne fut qu'après sa victoire sur Bayezid Ilderim qu'il porta les attributs de la souveraineté. Mort Bayezid le Tonnerre et Mahmoud Khan, il fit désormais réciter la Kotba en son nom et battre monnaie à son coin. La démarche de Toktamish était un coup de fortune pour Timur. C'était la mainmise sur le grand refuge des steppes du Nord, sur l'asile de l'indépendance turque. Si le souverain de Kipchak devenait sa créature, plus d'insultes possibles venant du Nord. Maison close. Toujours est-il que dans cette querelle du Kipchak, Timur se jeta passionnément, n'ayant pas un pouce de terrain à gagner. D'abord, il accueillit Toktamish, l'aida de bonnes gendarmes et d'argent, et du même coup, le fit son vassal, lui donnant pour fief, en Turkestan, Otra et Sabran. Le prétendant de Kipchak n'était plus, désormais, que le protégé du sultan de Transoxiane. Deux fois, Timur le sauva. Lorsqu'après la mort d'Urus et de son fils aîné Toktakaya, le cadet Timur Melek perdit la bataille de Karatal dans les marches de Chine, 1376. Il n'est pas étonnant que son successeur Mamaï, dont les meilleurs gendarmes combattaient à l'est, ait succombé à l'ouest contre la levée en masse des Russes, réunis autour du grand prince de Moscou, Dmitri Ivanovitch. Bataille de la Voja, 1378, et de Koulikovo sur le Don, 1380. De Koulikovo, la Sainte-Russie date sa délivrance du joug mongol. C'est l'épée du Turc transoxianais, du musulman Timur, qui vraiment trancha le lien. Toktamish ne fut pas plutôt maître en Kipchak que durement, il prit la revanche de Koulikovo, fit tout plier devant lui, châtia les Russes rebelles, brûla Moscou, 26 août 1382. Mais bientôt, pour la Russie naissante, de nouveau la délivrance vint de Samarcande. En 1387, Toktamish rompit avec son protecteur et envahit l'Azerbaïdjan. Timur n'était pas prêt. Avec sa souplesse des jeunes années, il négocia, différa, gagna du temps et compléta ses préparatifs pendant que Toctabish cuvait sa victoire. En 1389, il se lança sur le Kipchak, résolu à en finir, à imposer à l'ouest un roi de son choix. Deux campagnes, au nord du Turkestan et en Sibérie méridionale, le conduisirent jusqu'au Yaïk, Oural, où la bataille décisive fut livrée en 1391. Toctamish, vaincu, poursuivit jusqu'à Moscou, dispersa ses bandes, alla se cacher en Russie méridionale. L'empereur inflexible l'eut poursuivi à outrance, eut pris possession du pays. Timour, satisfait de sa gloire, revint en Transoxiane, dans sa bonne ville de Samarcande, laissant le Kipchak à la grâce de Dieu. 4 ans après, Toctamish avait repris terre et il fallut revenir à la charge. En 1392, Toctamish se jetait sur Derbent, sur la porte du Caucase, et menaçait l'Azerbaïdjan et les pays turcomans. 1396-1397. Il est vraiment extraordinaire que, dans de telles conditions, les Russes n'aient pas profité de leur victoire de 1378 et de 1380. Les vrais Turcs de la vieille roche sentaient bien que le Toctamish était leur champion contre les Transoxianais. Timour ne s'y trompe pas. Il abandonna tout pour courir au danger. La victoire des gens du Kipchak, des gens du Nord, c'était la fin du chériat, c'était la défaite de l'Église, c'était la révolution nationale. Le souvenir de Toctamish est resté singulièrement au cœur des Turcs en Sibérie. En 1399, Toctamish, traqué, se réfugia en Sibérie, à Tumen, où il fut assassiné. Idégué restait maître sur le Don. Un sultan imposé par Timour s'établissait à Saraï. La Crimée se séparait, les pays de Transvolga sécessionnaient. Entre la Chine, la Transoxiane et la Russie naissante, le Kipchak, brisé par l'épée de Timour, se désagrégeait de toutes parts. Il y eut peut-être des protestations parmi les vieux Turcs contre ce sacrilège des Transoxianais. Une tirade célèbre, dans Ibn Arabchar, nous en donne le lointain écho. Le génie de l'hiver apostrophe Timour sur la steppe glacée. Arrête ta course rapide, arrête, furieux tyran. Si tu es un démon de l'enfer, je le suis aussi. Tu te vantes de tes armées, et mes jours d'hiver, avec l'aide de Dieu, sont aussi des tueurs. Ma vengeance te domptera un jour. Conquête dans l'Iran. L'Azerbaïdjan, pays turc par la langue et la population depuis de longues années, s'était donné volontairement à Timour. Son souverain, le dernier des Ilkhans, descendants de Hulagu, avait sanctionné l'union par le mariage de sa fille avec Pir Mehemed, un petit-fils de Timour et son favori. De 1380 à 1386, date de la soumission de l'Azerbaïdjan, les Transoxianais avaient conquis, outre le Khorassan, le Séistan, le Bélouchistan, l'Afghanistan. Seul, le vieux pays d'Iran tenait bon, défendu par ses mercenaires kurdes, turcomans et circassiens. Les descendants du populaire potier d'étain y régnaient encore. Ils avaient le cœur du peuple si fort qu'après la prise d'Isfahan, quand Timour croyait tenir le pays, les gens de métier se levèrent en masse sous la conduite d'un forgeron et massacrèrent les garnissaires transoxianais. La répression fut effroyable. 70 000 manants et vilains payèrent leur insolence de leur vie. Le haut clergé, les grands moines rêvaient le rétablissement du califat, la conversion des hérétiques ou leur extermination. Loyalement, Timour remplit sa charge d'avoué de l'islam. En 1392, il rassembla sa chevalerie et ses compagnies soldées pour achever de soumettre l'Iran. C'est la suite d'expéditions que les Asiatiques appellent la guerre de 5 ans. Les Transoxianais poussèrent jusqu'à Bagdad, firent leur dévotion à Kerbela, conquirent Mardin, Tcharbekir est écrite en Mésopotamie, eurent la joie de défaire les infidèles d'Arménie, de Transcaucasie, de Géorgie. Conquête de l'Inde. Timour présente l'expédition de l'Inde, entreprise immédiatement après les guerres de Kipchak, comme une véritable croisade, c'est-à-dire, pour qu'il y entre les lignes, comme une œuvre expiatoire pour la ruine des vrais Turcs du Kipchak. Son conseil s'opposait à l'entreprise. « Maître de l'Hindoustan, si nous y demeurons, notre lignée est perdue. Nos enfants et nos neveux dégénéreront en se mêlant avec les indigènes, dont ils adopteront jusqu'à la langue. » À l'orgueil turc, qui se révoltait, Timur répondit simplement en ouvrant le Coran. Je tombai sur ce verset. Ô prophète, fais la guerre aux infidèles et aux impies. Les docteurs expliquèrent le sens aux émirs. Eux, tête basse, ne parlaient pas. Leur silence me serrait le cœur. Je voulais d'abord priver de leur charge tous ceux qui n'approuvaient pas l'entreprise de l'Inde. Je ne pus m'y décider. Je leur fis seulement des remontrances. Et quoiqu'ils eussent déchiré mon cœur, dès qu'ils acceptèrent mon projet, tout fut oublié. Mon armée rassemblée se montait à 92 000 gendarmes. Je montai à cheval et j'allai camper à Eldabab, mars 1398. Il était pourtant encore bien vivace à ce moment, d'une étonnante jeunesse malgré ses 65 ans. Une miniature faite dans l'Inde, à moins qu'elle ne soit une copie d'un portrait peint antérieurement, le représente d'aspect très jeune. C'est dans les dernières années qu'il vieillit brusquement, qu'il devient l'homme aux paupières lourdes qu'a vu Clavijo. Ce trait caractéristique des paupières tombantes est d'ailleurs bien indiqué sur la miniature indienne. En définitive, ce furent les musulmans de l'Inde qui souffrirent le plus de la croisade transoxyanaise. Le sultan de Delhi, Mahmoud le Gouride, était aussi bon musulman que Timur, et les habitants de son royaume professaient l'islam. Ce fut précisément dans la musulmane Delhi qu'eut lieu le grand massacre. On tua sans doute beaucoup à Meerut et sur le Gange, en pays païen. Mais on s'occupa surtout d'y piller les trésors des pagodes. Sauf devant Delhi, où il y eut bataille rangée, et à Meerut, où les hindous, qui n'attendaient pas de quartier, se défendirent à outrance, il ne semble pas que l'expédition de l'Inde ait été particulièrement difficile. Baber, qui ne peut pas diminuer son quadrisaïeul Timur, et qui tient pourtant à se faire valoir, nous dit « Il mena dans l'Hindoustan 120 000 chevaux bardés de fer. Moi, dans ma cinquième campagne, où je mis en déroute Sultan Ibrahim et m'emparais de son royaume, mon armée, la plus forte que j'ai conduite dans l'Hindoustan, ne comptait sur les rôles que 12 000 hommes à peine, tout compris, gendarmes, gens de ma maison, marchands et goujats. Mais après tout, vaille que vaille, l'expédition du Timur était une croisade. Il pouvait prendre le titre de Ghazi, vainqueur pour la foi. Jusque hors de la Transoxiane, ses victoires furent fêtées. Samarcande, des tailleurs de pierre amenés de l'Hindoustan, construisirent une mosquée commémorative de la croisade. Timur, arbitre de l'Asie, projet de restauration du califat. Timur était revenu à Samarcande en mai 1399. En septembre, il repartait déjà. L'Azerbaïdjan se révoltait contre Miran Shah, le fils aîné qu'il y avait apanagé. En Irak, le grand vassal commis à Bagdad, un djellaïr, Ahmed djellaïr, tranchait du souverain et jouait au petit calife. Au nord, les chrétiens de Géorgie se rebellaient. À l'ouest, enfin, Timur sentait venir la grande querelle avec l'Osmanli, le sultan Ghazi, Bayezid Euldrum, Bayezid la foudre. Que Timur ait rêvé de rétablir le califat à son profit, on peut en douter. Que l'église de Transoxiane l'ait rêvé pour lui, on est obligé de le croire. Quand un Bayezid Ilderim, doublement Ghazi, par ses conquêtes en pays infidèles et sa victoire sur les envahisseurs infidèles du pays musulman, fils d'un martyr, de ce sultan Mourad mort Shahid, confesseur de la foi, ne pouvait même obtenir une mention dans les prières au pays saint où Hussein et Hassan furent martyrisés. On les voit prodigués à Timur. Descendant de païens, après tout, et il s'en vante, il est proclamé restaurateur de la religion pour des victoires où n'a coulé que le sang musulman, rien que le sang musulman. L'arrogance des moines de Bokhara, qui prétendaient faire la loi à l'islam, l'insolence des légistes transoxyanais, qui posaient leur maître en sauveur et en défenseur unique de la foi, la cérémonie du sacre sur la pierre des pèlerinages à Samarcande, l'ostentation avec laquelle l'Église transoxianaise présente Timur comme le lieutenant de Dieu, presque comme un imam, tout trahit le projet. Timur lui-même laisse échapper comme un aveu dans ses tezukat. Au lieu de donner à Bayezid un titre musulman, il l'appelle avec affectation Kaiser Hiroum, César de Rome. Ce n'est pourtant pas lui qui avait eu à sa cour un Jacques Dufay, un Paillot de Sotomayor, un Sanchez de Palacuelos, lui qui portait en ses armes 3 œufs d'or. Ce n'était pas lui qui pouvait ignorer le sens du mot Kaiser. Il savait fort bien que c'était le titre d'un potentat infidèle. Ses prétentions étaient d'autant plus étranges qu'il commençait à reprendre le vieux plan païen des Mongols d'alliance avec les chrétiens. À ses enfants, il donnait des noms singulièrement romanesques et menaçants. Miran Shah, roi des princes, Jihangir, conquérant du monde, Shah Rukh, âme de roi, et à son petit-fils préféré, un nom de moinerie universelle, Pir Mehmed, le grand prieur Mohamed. Les rêveries mongoles troublaient d'ardeur sénile son imagination. La domination universelle pour lui, chevalier de l'Église, que pouvait-elle être sinon le califat? Pour être calife, il faut tenir la route des pèlerinages aux lieux saints, Jérusalem, Hébron, Médine et la Mecque. La route, c'était la Syrie. Il l'a voulu avec la passion d'un vieillard amoureux dès qu'il revint de sa croisade dans l'Inde. Entre les deux ghazis, le fils du martyr Mourad et le 8e restaurateur de la religion, l'imam de Transoxiane, le choc était inévitable. Fin de la section 83.